AstroJet, Whisperjet, Clipperjet. Ja, danke schön. AstroJet, Clipperjet, Apple pour moi, je suis pas un zé chez Sophie. L'alliance et l'esprit, les idées si sans m'avertir. Ça fait que je suis parti sur Québec, Astro, Nord, East, West, et pas d'Américain. I'm not going to be able to do that.